existe vender chapoia. Mentira, é melhor vender chapoia. Sou Leila, chuchu, chuchu, pai e mãe que é a pancha. Te curto, sou Leila. Fini jouer dans mon nom, pas connaître. Travesti ou milliardaire, faut que ça m'y paye. Puis y'a soufi, tu personne. Moi t'es pas d'un bac à Jerry Boss. T'as pété pas jamais ni la cigane. Ça s'y ressortir pour pas payer plus cher. Moi ça vous qu'est dit, moi y'a pas naturel. Je ne fais pas jamais ni raison. Ou vent plutôt à l'effilé. Faites attention quand même. See ya.